découvrir des énigmes qui amènent à des indices. Et ces indices-là, en les regroupant, permettent de découvrir, de répondre aux trois questions. Et quand on résout l'enquête, que se passe-t-il ? Eh bien, l'enquête est résolue. Non, tout simplement, il y a une petite récompense à venir chercher à l'accueil. Et puis cette enquête-là, à travers l'enquête, à travers le jeu, ça permet de découvrir aussi le village et la vie quotidienne des gens du 19e dans les campagnes creusoises. On peut y assister à quel moment ? On peut y participer à quel moment à ces enquêtes ? Alors, c'est tous les après-midi, excepté le dimanche, tous les après-midi à Mago. Et il y a différents créneaux, donc 14h, 15h, 16h et 17h. C'est au village de Masgo, vous l'avez dit. Quelles sont les autres animations le reste du temps, le reste de l'année ? Alors, sur l'été, sur la période estivale, mais aussi sur certaines vacances scolaires, il y a des ateliers de sculpture ou de mosaïque qui sont accessibles autant pour les adultes que pour les enfants. Il y a aussi tout simplement la visite du village, il y a une exposition, il y a des stages de taille de pierre pour les adultes. Et à Halloween, il y a Mago Hanté. Eh bien, merci à Marine Cialis, coordinatrice de ce village, le village de Masgo, à retrouver évidemment tout l'été, puis pour ses enquêtes, pour résoudre ses enquêtes de meurtre, et toute l'année pour d'autres activités. Merci Marine, à bientôt. Merci à vous. France Bleu craque pour Hervé. Hier encore, je voulais changer de peau. Tout ira mieux demain, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu Creuse, France Bleu Limousin, le 16-19, le 16-19 été. Dans quelques minutes, on ira direction l'Aquarium de Limoges. Et oui, ils fêtent leurs 30 ans. On en parlera avec David Brantôme, le directeur de cet aquarium. C'est juste après George Duke, Reach Out sur France Bleu.